La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui en écho au festival Shake Nice dont France Culture est partenaire et qui se tient jusqu'au 11 février au Théâtre National de Nice, nous continuons à parler de Shakespeare, 1564-1616. La vie de Shakespeare, sans qu'elle nous soit inconnue, est parsemée de zones d'ombre. On ne sait pas ce qu'il a fait, par exemple, entre ses 21 et ses 28 ans après son mariage et la naissance de ses trois enfants, dont l'un, baptisé Hamnet, mourra à l'âge de 11 ans. On le retrouve ensuite à Londres, en auteur déjà repéré avant qu'il ne devienne le dramaturge principal du Théâtre du Globe, comme nous l'avons vu hier au cours d'une émission introductive. C'était avec Gisèle Venet et Jean-Michel Desprats. Demain mercredi, nous serons en compagnie du critique Georges Banu, longtemps professeur à la Sorbonne et auteur de nombreux essais sur le théâtre. Il nous parlera de mise en scène et de mise en abîme. Enfin jeudi, d'abord avec Pascal Drouet, nous évoquerons les personnages de Filou chez Shakespeare. Puis avec Daniel Bougnou, nous reviendrons sur la théorie controversée attribuant à John Florio les écrits du dramaturge anglais. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, pour explorer quelques entrées du dictionnaire amoureux de Shakespeare qu'il a fait paraître en 2016 chez Plon, je reçois le professeur François Larocque, traducteur de Shakespeare, également auteur de plusieurs essais, comme par exemple Shakespeare et la fête aux presses universitaires de France en 1998. Bienvenue à tous, voici la compagnie des auteurs. Shakespeare n'est pas un penseur, c'est un poète. Et sa pensée ne nous importe guère sans les ailes qu'il emporte dans l'empyrée. C'est cet essor de la pensée qui nous importe ici, non la pensée même et la ratiocination aptère. De plus, il ne s'agit pas ici de contenter un lecteur, mais d'offrir un texte à l'acteur chargé d'interpréter un rôle. Et le pire défaut du texte des traductions que je consulte est d'être à peu près ininterprétable, irrespirable, privé de rythme, d'élan, de vie, parfois incompréhensible sans une attention soutenue que n'a pas au théâtre le temps de prêter le spectateur. André Gide, qui lisait ici un extrait de sa préface à Hamlet, une pièce qu'il avait traduite. Il en avait d'ailleurs traduite plusieurs. Bonjour François Larocque. Bonjour. C'est tout de même assez fascinant de voir comment les plus grands écrivains comme Gide et d'autres se sont beaucoup intéressés à Shakespeare comme s'il était tout à fait indépassable, comme s'il était la référence absolue. Qu'est-ce qui lui vaudrait ce statut, selon vous, François Larocque ? On dit souvent que, à la fois, il est l'auteur d'une œuvre universelle, puisqu'il traite de toutes les situations humaines, de la naissance à la mort. La fameuse tirade de Jacques dans Comme il vous plaira en témoigne, du bébé jusqu'au vieillard et à l'agonie finale. Et aussi un auteur qui est à la fois contemporain, puisque, comme l'a dit Yann Kott, le critique polonais des années 60, critique, acteur et du même homme de théâtre, il y a quelque chose chez Shakespeare qui, à la fois, fait de lui un homme de son temps, profondément enraciné dans son époque, et en même temps quelqu'un qui dépasse cette époque pour adresser non pas un message, car Shakespeare n'a pas de message particulier, mais son œuvre est tellement riche que on peut s'en emparer, on peut se l'approprier, et la preuve en est faite de nos jours, c'est-à-dire que il n'est pas simplement joué dans les pays de langue anglaise, il est traduit partout dans le monde, joué partout dans le monde, et de façon tout à fait surprenante, c'est que plus le temps passe, plus Shakespeare est joué, plus il est populaire. Mmh. Alors que nos auteurs classiques, hélas, sont moins souvent joués, ont moins de succès au théâtre que Shakespeare. Donc à part peut-être 3 ou 4 décennies juste après sa mort, où il aurait été peut-être moins joué, Shakespeare a toujours connu le succès. Shakespeare a toujours été joué. Alors il n'a pas toujours été joué, si j'ose dire, dans le texte. Il y a eu beaucoup au XIXe siècle d'adaptations comme celle de Nahum Tate, un Irlandais, un poète irlandais, qui avait changé la fin du Roi Lear pour la rendre heureuse. Donc ce côté très très nihiliste, pessimiste de la fin du Roi Lear ne plaisait pas à l'époque, ne plaisait pas au goût. Et en France, il a fallu longtemps batailler, puisque Sainte-Beuve et d'autres voilà, faisaient la moue devant le non-respect des unités qui étaient chères à nos écrivains français. Et il a fallu attendre le XXe siècle pour que Shakespeare soit enfin adopté et adapté par Copeau, Dulin et d'autres. Et puis aussi par l'université, parce qu'il y a toute une industrie Shakespeare, hein, je reprends votre terme, oui, autour de ce dramaturge-là. Alors l'industrie Shakespeare, effectivement, prospère grâce à l'université américaine essentiellement et aux Anglais. Chaque année se tiennent des colloques très importants, très bien financés. Et la France essaie timidement d'emboîter le pas. On nous demande évidemment, pour survivre à l'université, pour monter en grade, de publier des articles, et les colloques sont un peu, pour cela, quelque chose d'utile et qui permet également de faire avancer les connaissances. C'est la base, c'est le socle de la littérature anglo-saxonne pour vous, Shakespeare, et même encore aujourd'hui, quand je dis littérature, je pourrais aussi bien dire la fiction en général, le cinéma, les séries télévisées. Bah, pour les Anglais, c'est bien simple, il y a 2 grands textes. Il y a la Bible, et il y a Shakespeare, hein, Shakespeare qui lui-même emprunte beaucoup à la Bible. Et effectivement, on ne compte pas le nombre de romanciers, d'hommes de théâtre qui reprennent les pièces de Shakespeare pour les parodier. On pense à Bond, on pense à Stoppard, et beaucoup de grands textes, comme par exemple The Sound and the Fury, Le Bruit et la Fureur de Faulkner, sont empruntés au fameux monologue de Macbeth. Hein, la vie, etc., n'est qu'une histoire racontée par un idiot, pleine de bruit et de fureur, et qui ne signifie rien. Donc souvent une citation de Shakespeare sert de titre de roman. Mmh. C'est vraiment une mine pour les artistes du monde entier. Mais est-ce que ça en fait, aux États-Unis ou en Angleterre par exemple, un auteur populaire ? Alors, je crois que la question justement est excellente. Aux États-Unis et en Angleterre, Shakespeare reste éminemment populaire. Il est les enfants des écoles vont voir Le Songe nuit d'été. Il y a beaucoup d'efforts de la part des acteurs, des compagnies de théâtre pour faire venir les écoliers, les élèves, les étudiants. Et c'est en France, je crois, que nous avons une image un peu faussée, un peu biaisée de Shakespeare, comme s'il était un grand intellectuel. Shakespeare n'est pas un intellectuel du tout. Shakespeare est d'abord un auteur de pièces de théâtre pour un théâtre populaire. Nos auteurs, je parlais tout à l'heure de Racine, Corneille, ils écrivaient pour la cour, pour le roi. Shakespeare écrivait, lui, pour un public de gens simples, le parterre qui se tenait debout. Il y avait évidemment des gens plus fortunés, mais il fallait s'adresser à toutes les classes de la société. Avec une langue qui reste quand même difficile, qui était peut-être même difficile à l'époque pour le public qui allait voir les pièces. Qui était difficile à l'époque, c'est ça, exactement. La langue de Shakespeare a évidemment un petit peu vieilli, mais les traductions ou les éditions en anglais sont modernisées. Et donc, effectivement, il y a une difficulté de vocabulaire, notamment, mais le théâtre fait passer beaucoup de choses, les jeux de mots. Il y en a un petit peu pour tous les publics, c'est-à-dire que s'il y a des allusions savantes que les universitaires peuvent décoder dans les notes de bas de page, il y a aussi beaucoup de jeux de mots grivois, licencieux, il y a les situations que font vivre les acteurs. Et là, je crois que quand une pièce de Shakespeare est bien montée, bien jouée, il n'y a pas de difficulté de sens. Et puis on peut couper peut-être certains passages obscurs qui intéressent surtout les universitaires. On reviendra peut-être sur l'aspect licencieux un peu plus tard. Shakespeare vous a été très utile pour de nombreuses raisons. Oui. Notamment, vous avez réussi à faire sauter des contraventions grâce à Shakespeare. Oui, enfin, je suis pas fier de cette anecdote. Ah, vous la racontez quand aux États-Unis. Même. Voilà, j'ai été épinglé pour m'être garé malencontreusement sur une place handicapée, et là-bas c'est véritablement quelque chose de très grave. Donc j'ai été convoqué au tribunal et j'ai eu la chance de tomber sur une femme qui avait l'air très sévère au début et m'a demandé « Mais vous êtes français, qu'est-ce que vous faites à Austin, au Texas ?» Je dis « J'enseigne la littérature. » »« Mais quelle littérature ? La littérature française, naturellement. » Je dis « Non, non, j'enseigne la littérature anglaise. »« Ah bon ? Et quel auteur ?»« Ben, Shakespeare. » Elle me dit « Mais c'est pas possible, Shakespeare. Mais mon père était professeur de littérature à telle université. Et d'ailleurs, savez-vous comment il m'a appelé ?» Ben, j'ai dit « Non, vous allez me le dire. Bianca. » Et vous voyez dans quelle pièce un personnage s'appelle Bianca ? Ben, j'ai dit « Oui, bien sûr. Il y a la Mégère apprivoisée et puis il y a aussi Othello. » Alors, elle est allée prendre le PV, elle m'a fait signer, et j'étais sûr d'avoir à payer une amende, non pas une peine de prison, mais une amende assez lourde. Mmh. Et elle m'a dit « Bon, allez, ça va pour cette fois-ci, je vous fais grâce de... de... » Donc, je pense que je dois à Shakespeare d'être sorti, j'allais dire, presque la tête haute, même si, effectivement, l'amende était méritée. Un petit peu de corruption, là, derrière. Je me demande si les admirateurs de Shakespeare n'auraient pas un fond, quand même, un peu corrompu, non? Ben, c'est une martingale, Shakespeare, pour tout. Hein. Je pense que quand on peut citer Shakespeare, quand on peut faire allusion, on peut se tirer de quelques situations embarrassantes, dont celle que je viens de décrire. Je ne t'aime pas, donc ne me poursuis pas. Hors d'ici, va-t'en et cesse de me suivre. C'est vous qui m'attirez, vous, dur cœur dément. Mais ce n'est pas du fer que vous attirez, car mon cœur est pur, comme l'acier. Perdez la force d'attirer, et je n'aurai pas la force de vous suivre. Est-ce que je vous entraîne ? Est-ce que je vous encourage ? Est-ce qu'au contraire, je ne vous dis pas, avec la plus entière franchise, je ne vous aime pas, et je ne puis pas vous aimer ? Et je ne vous en aime que davantage. Je suis votre épagneule, Démétrius, et plus vous me battez, plus je vous cajole. Traitez-moi comme votre épagneule, repoussez-moi, frappez-moi, délaissez-moi, perdez-moi. Seulement, accordez-moi la permission de vous suivre, tout indigne que je suis. Quelle place plus humble dans votre amour puis-je mendier, quand je vous demande de me traiter comme votre chien ? Eh bien, c'est cependant pour moi une place hautement désirable. N'excite pas trop mon aversion, car je souffre quand je te regarde. Et moi aussi, je souffre quand je vous regarde. C'est compromettre par trop votre pudeur que de quitter ainsi la cité, de vous livrer à la merci d'un homme qui ne vous aime pas, d'exposer ainsi aux tentations de la nuit et aux mauvais conseils d'un lieu désert le riche trésor de votre virginité. Votre mérite est ma sauvegarde. Pour moi, il ne fait pas nuit quand je vois votre visage. Aussi, ne crois-je pas que je sois dans la nuit ? Ce n'est pas non plus le monde qui en manque en ce bois, car vous êtes pour moi le monde entier. Comment donc pourrait-on dire que je suis seule quand le monde entier est ici pour me regarder ? Je vais m'échapper de toi et me cacher dans les fougères et te laisser à la merci des bêtes féroces. La plus féroce n'a pas un cœur comme vous. La compagnie des auteurs sur France Culture et cet extrait du Songe d'une nuit d'été, une scène de l'acte 2 entre Elena et Démétrius, jouée par Florence Viala et Éric Ruff, une scène durant laquelle les deux personnages sont évidemment en présence l'un de l'autre et pourtant Elena, qui aime Démétrius, ressent douloureusement son absence d'amour à lui. Et justement, je voudrais qu'on s'arrête sur ce mot d'absence qui est l'une des premières entrées de votre dictionnaire, François Larocque. De quelle absence parle-t-on quand on parle de l'absence chez Shakespeare ? Alors là, je faisais référence, je crois principalement au sonnet. Les sonnets dont on parlait, c'est Gide, je crois, qui évoquait le poète Shakespeare. Il faut jamais oublier que Shakespeare est évidemment un grand dramaturge, mais aussi un grand poète, et il y a une poésie dramatique, mais également une poésie en vers. Et dans un certain nombre de ses sonnets, quand il évoque l'ami, le beau jeune homme qu'il loue dans les 124 premiers sonnets, il se plaint parce que le poète est en tournée. On sait que les compagnies Elisabethaine jouait à Londres, mais que de temps en temps, ces théâtres étaient fermés pour cause de peste ou pour des causes diverses, et les compagnies allaient jouer en province. Et donc, il y a un éloignement, et Shakespeare chante, décrit, si vous voulez, cette absence de façon particulièrement fine et sensible. Tout ça est lié à cette question du temps, hein, qui hante évidemment les sonnets. On retrouve également l'absence dans les tragédies. Je pense à Antoine et Cléopâtre. Lorsque Antoine quitte Cléopâtre pour aller gérer ses affaires et notamment s'occuper de sa femme Fulvia qui lui fait la guerre, Évidemment, il a droit à une scène de jalousie, et quand il est absent, on a un long monologue de Cléopâtre qui imagine Antoine en train de chevaucher son cheval, et elle dit « Oh, heureux cheval qui peut porter le poids d'Antoine ». On sent là toute cette force du désir, parce que le désir, c'est justement le manque, c'est l'absence. Et je crois que Shakespeare est un des très grands poètes du désir. Mais l'absence, ça peut être aussi le deuil chez Shakespeare. Alors c'est évidemment, bien sûr, le deuil. On a la duchesse de Gloucester dans Richard II qui évoque son époux qui a été fait assassiner par Richard II. Beaucoup de veuves éplorées. Anne, qui va être courtisée, culbuttée par Richard III, par Gloucester, qui va devenir Richard III, sur le cercueil de son beau-père. Il y a comme ça des scènes assez époustouflantes où amour et mort se côtoient. Bon, on pourrait presque dire des scènes X, sauf que le X, précisément, c'est la lettre absente. Il n'y a pas de X, apparemment, sinon on vous croit, dans les pièces de Shakespeare, dans les sonnets non plus. Le X est absent, effectivement. Mmh. Georges Perec s'y serait intéressé, certainement. Lui qui aimait écrire des romans en éludant, enfin avec une élision d'une lettre, le E, par exemple, hein, l'absente. Je crois qu'il y a peut-être un côté pré-pérecien, si je puis dire, chez Shakespeare. Donc la lettre X n'est pas là, mais le X tel qu'on l'entend, nous, c'est-à-dire ce qui représente aujourd'hui les films pornographiques, est-ce que ça, c'est présent? Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas tellement de sexe, au fond, chez Shakespeare. Mais il n'y a que ça. Il n'y a que ça chez Shakespeare. Je crois qu'on a une image fausse. Il y a du désir plutôt que du sexe, non? Il y a, c'est-à-dire que Shakespeare est quelqu'un d'extrêmement habile, et de toute façon, la censure veillait. On ne pouvait pas parler de questions politiques ou religieuses, et encore moins de sexe de manière explicite. Donc c'est tout en finesse, en allusion, ou bien dans les numéros, le répertoire des bouffons, des clowns. Touchstone dans « Comme il vous plaira », est l'auteur de plaisanteries assez grasses. Les sonnets eux-mêmes, d'ailleurs, le prénom de Shakespeare, ou plutôt le petit nom de Shakespeare, Will, désignait en anglais à l'époque les organes génitaux mâles et femelles, mm-hmm. en même temps que la volonté, le testament, enfin, il y a toute une polysémie que Shakespeare exploite. Au sujet d'ailleurs des sonnets, et en passant comme ça, cette idée d'un Shakespeare homosexuel s'adressant dans les sonnets à son amant, quel crédit peut-on y porter? Je crois que c'est une vieille affaire. Oscar Wilde y avait vu clair déjà il y a longtemps en écrivant le portrait de W.H. Oui, enfin, je crois qu'il est tout à fait vraisemblable. Nous n'avons aucune certitude sur la vie sexuelle de Shakespeare. On peut l'imaginer. Anthony Burgess a écrit une biographie romancée de Shakespeare où on le voit un petit peu batifoler avec les couturières, mais aussi avec les boy actors, c'est-à-dire les jeunes gens apprentis du théâtre qui jouaient les rôles de jeunes femmes. Et donc, il n'est pas du tout invraisemblable que Shakespeare ait eu une sexualité double, ait été bisexuel. D'ailleurs, dans les sonnets, effectivement, il y a beaucoup d'allusions, en particulier à la beauté de ce jeune homme. Et le mot « love » en anglais a ce côté ambigu. C'est-à-dire qu'il signifie à la fois l'amitié. Mm-hmm. Hein, quand vous écrivez une lettre à quelqu'un, à un ami, vous dites « with love », mm-hmm. Amitié. Mais c'est aussi l'amour. Donc Shakespeare joue constamment sur deux ou trois sens simultanés. Alors il y a un certain nombre d'entrées hein, dans votre dictionnaire qui tournent autour de l'amour. Il y a amour d'ailleurs, pour commencer. Oui, écoutez, l'amour est partout. D'abord dans les comédies. Car pas de comédie sans amour, c'est toujours l'éternelle lutte des jeunes gens, contrariés par la loi du père. Vous citiez le Songe nuit d'été tout à l'heure, hein, le vieil Égée qui pose son interdit au mariage de sa fille Hermia parce que il veut qu'elle épouse celui qu'elle n'aime pas, justement, hein, c'est Démétrius. Et tout le jeu de la comédie consiste à contourner cet interdit, cette loi du père, pour finalement triompher des obstacles et épouser l'aimé. Mais dans les tragédies également, l'amour est très important parce que Shakespeare est l'inventeur, littéralement l'inventeur d'un genre nouveau qui est la tragédie amoureuse. Normalement, l'amour, avant lui, c'était le sujet de la comédie. Mmh. Et lui en fait un sujet tragique pour la première fois avec Roméo et Juliette, thème qu'il reprendra plus tard avec Othello, tragédie de la jalousie, et Antoine et Cléopâtre. Donc trois tragédies amoureuses où l'amour finalement, l'amour qui est aveugle, mais il y a un côté sombre, un côté noir, un côté funeste dans l'amour qui nous mène aux portes de la mort. Et ça, je crois que, sans citer Georges Bataille ou Sade ou des gens de ce genre, Shakespeare a très très bien compris et perçu ce qu'il y avait justement de noir dans le désir, dans l'amour. Surtout quand le contexte social, le contexte géographique ou culturel, comme c'est le cas d'Othello et d'Esdémone, c'est-à-dire un Africain, un noir, hein, qui est aimé d'une jeune Vénitienne, fille d'un sénateur. Voilà, c'est tout le problème du mariage mixte. Et l'amour, pour Shakespeare, est beau quand il est impossible. Alors, vous avez relevé des mots comme le baiser, le plaisir, la défloration, les Amazones et les femmes. Il y a 1600 personnages dénombrés dans les pièces de Shakespeare, 200 femmes seulement. Quelle est la place des personnages féminins? Alors, il faut d'abord dire l'une des raisons est une raison matérielle, une raison des compagnies, enfin ça vient de la composition des compagnies d'acteurs de l'époque, puisque ça n'était pas des femmes. Donc c'était des petits garçons, c'était des jeunes garçons. Voilà, et il fallait que ces jeunes garçons soient suffisamment entraînés, soient suffisamment mûrs pour pouvoir mémoriser des rôles qui étaient souvent très longs. Et il faut attendre Antoine et Cléopâtre, c'est-à-dire vraiment très tard dans la carrière de Shakespeare, pour que l'un de ces personnages femmes ait autant de vers à dire que Antoine, sa contrepartie masculine. Oui, parce que leur carrière était très courte, étant donné qu'une fois, évidemment, qu'ils muaient, ils ne pouvaient plus jouer les rôles de femmes. Et d'ailleurs, à ce moment-là, ils se retrouvaient avec des rôles relativement subalternes. Voilà, oui, ils changeaient de vie. Une fois qu'ils avaient fini leur apprentissage de 7 ans, ils faisaient autre chose. Ils étaient licenciés, en quelque sorte. Donc, je crois qu'il y a cette raison technique. D'autre part, il y a deux aspects dans la carrière de Shakespeare vis-à-vis des femmes, si j'ose dire. Tout à fait contrasté. Du temps de la reine Élisabeth, les comédies donnent un rôle prééminent aux femmes. Les femmes qui se moquent des hommes, qui les dupent. On le voit dans Le Marchand de Venise, on le voit dans Peine d'amour perdue, on le voit dans Beaucoup de bruit pour rien, où les hommes sont souvent ridicules vis-à-vis des femmes. Les femmes triomphent en quelque sorte de l'ego masculin, de la gaucherie amoureuse, écrire des sonnets pour se faire aimer. Bon, voilà, ce genre de choses qui fait rire. Et dans la deuxième partie de la carrière de Shakespeare, au moment où il écrit les grandes tragédies, avec l'accession de Jacques Ier au trône d'Angleterre, Jacques Ier qui lui-même était homosexuel, on le sait, qui n'aimait pas spécialement les femmes, Shakespeare va changer du tout au tout, et on le voit avec Hamlet déjà. Hamlet, c'est écrit encore du temps de la reine Élisabeth, mais on voit que les hommes prennent une place prépondérante et que les femmes ont le mauvais rôle. Les femmes deviennent suspectées d'adultère, comme Desdemone, deviennent Lady Macbeth, c'est-à-dire proches pratiquement de ces sorcières, poussant le mari au crime, à assassiner le roi Duncan dans son sommeil. Donc la femme, l'image de la femme est salie et noircie. Et il y a également la dame noire, la Dark Lady des sonnets, auquel Shakespeare adresse des sonnets. Vous parliez de pornographie tout à l'heure. Quand on les lit entre les lignes, c'est tout à fait obscène. Alors vous évoquez donc l'époque aussi pour expliquer la place et le rôle des femmes dans les pièces de Shakespeare. À ce sujet, je vous propose d'écouter un extrait d'une archive avec Yves Bonnefoy. Son époque, l'époque élisabéthaine et jacobéenne, a eu la chance d'avoir Shakespeare, disons, mais Shakespeare aussi a eu la chance de son époque, dans la mesure où elle était véritablement une ligne de fracture entre une grande, longue période de l'histoire de l'esprit et un avenir encore imprévu, encore noir, si bien que l'esprit était comme à découvert. On pouvait apercevoir dans l'abîme même de cette faille des situations tout à fait extraordinaires, et pour quelqu'un comme Shakespeare, c'était évidemment une occasion tout à fait extraordinaire qu'il a saisi. Alors, pourquoi l'a-t-il saisi, cette occasion? Eh bien, tout simplement parce qu'il y avait en lui une grande capacité d'aimer les situations, d'aimer les êtres, d'attacher à ce qu'ils sont un regard, oui, compassionné, si bien qu'il n'a eu en quelque sorte qu'à littéralement transcrire ce qu'il se représentait. Il ne voilait pas l'événement, il ne voilait pas la figure des a priori de son idéologie. Oui, c'était pas un juge. Absolument pas. La compagnie des auteurs sur France Culture. Vous êtes d'accord avec Yves Bonnefoy, François Larocque, quand il dit que finalement l'époque élisabéthaine, parce qu'elle a été faite beaucoup de bruit et de fureur, a été un catalyseur pour l'art de Shakespeare? Oui, il est certain. Moi, je ne crois pas au génie individuel. Le génie est aussi le témoin, le reflet, le miroir de son temps. Et de ce point de vue-là, Shakespeare a profité des nombreuses traductions qui ont été faites du latin, du grec, de l'italien. Et du français, en anglais, parce que John Florio a traduit Montaigne. Oui, et je pense que vous en reparlerez un peu plus tard. Donc, il y a eu, c'est une époque de bouillonnement intellectuel extraordinaire. Quand on pense qu'il y a eu plus de 3000 pièces écrites entre, disons, 1560 et à la fermeture de théâtre 1642. Donc c'est une époque où tout le monde essaie d'écrire des pièces de théâtre. Enfin, tous les écrivains. Et parce que le théâtre, c'est un moyen de parvenir. Le théâtre, c'est un moyen de gagner de l'argent. Hein, ce n'est pas en publiant, puisque les droits d'auteur n'existaient pas, qu'on pouvait gagner de l'argent. Mais si on faisait jouer une pièce et que cette pièce tenait quelques jours, on pouvait effectivement s'enrichir. Donc je crois que Shakespeare a bénéficié de conditions favorables. Il a eu aussi beaucoup de chance, dans la mesure où, quand il est arrivé sur scène avec ses premières pièces, les trois parties d'Henri VI, d'abord c'est un succès extraordinaire, cette idée d'adapter l'histoire anglaise et de la faire connaître au peuple, un peu comme autrefois les moralités, les mystères faisaient connaître la Bible avec les chariots qui défilaient à York, à Chester et ailleurs. Shakespeare, si je puis dire, a eu la chance de voir que, eh bien, celui qui était qu'il admirait, celui qui tenait la scène, Christopher Marlowe, est mort très jeune, assassiné dans une taverne à l'âge de 29 ans. Au sujet d'une addition apparemment non payée. Oui, enfin, c'est un Marlowe, comme on le sait, était un espion au service de la couronne. Il espionnait les catholiques dans les séminaires de Douai, Saint-Omer, et c'était quelqu'un qui buvait beaucoup, qui était violent et qui parlait trop. Et il a été très certainement éliminé par deux agents de Cecil. Mmh. Donc Marlowe est mort à 29 ans. Peel, Lilly, Kidd, eux aussi prennent une sorte de retraite anticipée. Nash meurt lui aussi jeune. Donc Shakespeare a la scène à lui tout seul. Mmh. Il n'a plus de concurrence. Alors la concurrence va revenir. Il ne juge même pas utile de publier ses pièces. Et d'assurer finalement une postérité à son œuvre. Il a publié ses poèmes. Pour lui, le théâtre, si vous voulez, c'est comme si vous écrivez un scénario pour un film, vous n'avez pas publié le scénario. Pour lui, c'était ça. C'est-à-dire que ce qui l'intéressait, c'était de mettre en bouche ses vers, ses scénarios avec des acteurs et d'essayer de distraire, de divertir le public très exigeant hein, du théâtre d'abord, puis du Globe. Mais alors sur cette idée quand même que l'époque a eu une influence très grande sur les sujets aussi des pièces de Shakespeare, vous citez un certain nombre de dates, la Saint-Barthélemy, l'exécution de Mary Stuart en 1587, vous citez aussi d'ailleurs dans une entrée justement intitulée « Date », la mort de la mère de Shakespeare, donc sur le plan personnel c'est évidemment un moment marquant, vous citez le procès de Galilée 1615. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve finalement de toute cette histoire, qui est l'histoire contemporaine de Shakespeare, dans son œuvre? Alors, Shakespeare était quelqu'un d'extrêmement prudent. D'ailleurs, c'est tout à fait extraordinaire qu'il n'ait jamais été pris sur le fait par la censure. Grande habileté pour ne pas se faire prendre, parce que dès qu'on parlait d'histoire et surtout de politique, même de façon allusive, on risquait de se retrouver en prison, mis dans les fers, etc. Donc il fallait non seulement être protégé, mais passer l'obstacle de la censure, si je puis dire. Or, il y a eu une affaire, parce que Shakespeare était quand même lié, alors on a dit avec des milieux catholiques, ce qui n'est pas impossible, en tout cas avec Henry Rosely, le comte de Southampton, qui lui aurait donné une somme considérable, plus de 1000 livres sterling pour la publication de Vénus et Adonis, qui lui est dédiée, et proche également du comte d'Essex. Essex, qui a été un des favoris de la reine Elisabeth, et qui ensuite est entré en disgrâce quand il a monté un complot, le fameux complot d'Essex, aux alentours de 1601, et les partisans d'Essex, la veille du complot, ont fait dire le fameux passage de Richard II de la déposition du roi. Et donc, c'était quelque chose d'extrêmement difficile et dangereux. Essex a été arrêté, ses partisans ont été arrêtés, Essex a été exécuté. Mm-hmm. Shakespeare n'a même pas été interdit de scène. Donc il met toujours à distance ce qui pourrait relever d'une forme d'actualité. Alors, tout ce qui relève de la politique et de l'actualité. D'ailleurs, la dernière pièce qu'il a écrite en collaboration, c'est Henri VIII. C'est-à-dire que c'était vraiment le plus près dont il pouvait s'approcher du point de vue politique et historique. Alors, il y a quand même un rapport à l'Angleterre. Chez Shakespeare, on a dit que c'était un patriote, ça. Est-ce qu'on le sent dans son œuvre? Dans Richard II, il y a la fameuse tirade de Jean de Gand sur The Sept d'Isle, l'île des rois, des sceptres, l'Angleterre comme champion de la chrétienté, etc. Oui, il y a une ferveur patriotique qui évidemment plaisait beaucoup aux populaires, aux groundlings, au peuple qui assistait debout à ces représentations, parce que pour eux, au moment où ils étaient ostracisés, puisque l'Angleterre était terre protestante, par rapport aux pays du continent, par rapport aux Espagnols, aux Français, c'était une façon de... Et puis il y a eu l'Invincible Armada également, dont Elisabeth a triomphé. Et donc les pièces de Shakespeare se conjuguaient un peu comme dans le film de Laurence Olivier, Henri V, hein, qui a été fait en 1944 pour soutenir l'effort de guerre de la RAF, une sorte de patriotisme. Alors, évidemment, de nos jours, on met un bémol, parce qu'il y a dans Henri V, par exemple, comme dans Richard II, aussi bien une critique de ce patriotisme, hein, une critique de la guerre, des horreurs de la guerre, qu'une exaltation du sentiment national. François Larocque, on va continuer d'explorer tous ces thèmes et votre dictionnaire amoureux de Shakespeare dans quelques minutes, mais pour l'heure, c'est le moment d'En compagnie des revues. La compagnie des auteurs, Mathieu Garrigou-Lagrange. En compagnie des revues avec vous aujourd'hui, Philippe Roger, directeur de la revue Critique. Bonjour Philippe. Bonjour. Shakespeare vous inspire? Oh oui, bien sûr. Mais je suis venu parler de l'URSS. Alors je dirais que d'un côté, il y a le bruit et la fureur, mais du côté URSS, c'est peut-être plutôt cri et chuchotement. Enfin, on dit quand même que l'URSS, l'histoire de l'URSS, voire de la Russie, c'est shakespearien. Oui, je crois que c'est une très mauvaise manière de présenter les choses. Ça ne rend justice ni à Shakespeare, ni à ce qui s'est passé. Bien sûr, je crois que c'est autour du thème de la trahison. Mais quoi de commun, en fait, entre la trahison dans les politiques, dans les pièces de Shakespeare, et puis c'est ce qu'on peut appeler cette mécanique d'élimination massive d'un système totalitaire. Je crois qu'il faut repousser ce type de métaphore. Bon, alors sur la couverture du dernier numéro de Critique, vous avez fait imprimer un titre en majuscule et en cyrillique, CCCP, point d'exclamation. Ben oui, c'est SSSR si vous préférez. Voilà. Vous vous souvenez du poème d'Aragon? L'URSS, l'URSS, ou comme ils disent, SSSR, SS comme en S, oh ma chère, pensez donc, SSSR. Donc c'est un numéro spécial Russie, ou spécial plutôt Union soviétique, c'est votre façon de célébrer le centenaire de la Révolution d'octobre? Alors pas vraiment, d'ailleurs nous serions bien les seuls, personne ne l'a célébré, et surtout pas les Russes. Mais nous sommes, nous, partis d'un double constat. D'une part, octobre 17, qui a tant fait rêver des millions d'hommes, de femmes, etc., ne fait plus rêver personne. En revanche, l'URSS, qui fut l'incarnation de ce rêve, parfois jusqu'au cauchemar, l'URSS, elle n'est pas sortie de notre horizon. L'URSS continue de fasciner, d'émouvoir peut-être. Et vous iriez jusqu'à dire qu'il y a aujourd'hui une nostalgie de l'URSS? Non, nostalgie non, à part bien sûr la nostalgie instrumentalisée de quelques groupuscules nationalistes. Mais une mélancolie, oui, certainement. Yversin en parle dans notre numéro à propos d'une exposition d'objets quotidiens soviétiques. C'est une exposition qui a eu lieu au musée de la Chaux-de-Fonds. J'espère qu'au moins vous avez une Trabant quand vous venez à la maison de la radio. Hélas, non. Ça m'aurait été utile aujourd'hui, il n'y a pas de RERC. et Yversin a intitulé son article « Un bric-à-brac mélancolique ». C'est une des dimensions, une des dimensions de notre imaginaire de l'URSS aujourd'hui. Donc, c'est une URSS qui est avant tout imaginaire. Elle est imaginaire et réelle. Alors, nous avons tenu dans ce numéro à croiser textes de fiction et documents. Par exemple, notre article de tête porte sur ce récit de vie absolument stupéfiant, rédigé par Evgenia Yaroslavskaya Markon. Mm-hmm. Et il vient d'être exhumé des archives du FSB. Il a paru aux éditions du Seuil sous le titre « Révolté au féminin ». Et c'est une vie tragique pour le coup. Jeune bourgeoise qui choisit, après l'arrestation de son mari, poète, de vivre parmi les délinquants des rues, pour finir exécuté comme son mari dans un camp en 31. Mmh. Mais imaginaire et réel aussi parce que, et c'est ça qui est intéressant, les romanciers contemporains sont comme, si j'ose dire, des archivistes sensibles du monde soviétique. Quand Olivier Rollin, pour prendre un exemple ou deux, dans Le Météorologue, retrace la vie et la mort d'une victime de la Grande Purge des années 37-38, ou quand l'anglais Francis Pufford, dans Capital Rouge, qui a paru aux éditions de l'Aube tout récemment en français, bâtit une sorte d'épopée ironique autour d'un épisode tout à fait fascinant et très peu connu de l'ère Khrouchtchev. C'est un projet grandiose d'informatisation totale de la production et de la distribution qui permettrait à l'URSS tout d'un coup de dépasser les États-Unis. Bon, nous sommes là devant deux types de récits très différents, c'est d'accord, mais avec, dans les deux, la même passion du document et un même scrupule d'exactitude, de véracité, en somme. Et les Russes, pour terminer, Ils ne sont pas en reste, non. Ils mettent abondamment en scène l'URSS au cinéma. Nous avons un article de Pierre Léon, le cinéaste Pierre Léon, qui en parle. Et puis au théâtre, surtout. Et je vous renvoie ici à l'article d'Elena Galtsova. Nous avons plusieurs Russes au sommaire, bien sûr, qui nous montrent les scènes moscovites pendant toute l'année 2017. Elles ont été hantées par les spectres de Lénine et de Staline. Au théâtre, donc, la Russie se coltine ses fantômes, et peut-être est-ce que ça la rendra shakespearienne. Mais sans doute. Merci beaucoup, Philippe Roger. Et donc, je donne rendez-vous à nos auditeurs en librairie pour se procurer ce numéro de la revue critique consacrée à l'URSS. À bientôt. C'est la compagnie des auteurs que vous écoutez sur France Culture. Nous parlons de Shakespeare jusqu'à jeudi, aujourd'hui avec François Larocque, auteur notamment du Dictionnaire amoureux de Shakespeare. Et nous ouvrons cette seconde partie avec le metteur en scène Stefan Braunschweig, interrogé par Alain Weinstein. C'était en 1994, à l'occasion de sa mise en scène du Conte d'hiver. Je crois que c'est ça Shakespeare, c'est un rapport très particulier au regard du spectateur. Alors dans le conte d'hiver, il y a deux façons de parler au spectateur. Il y a la première partie où le spectateur n'en sait pas plus que les personnages et donc doute autant que Léontès doute. Il est en proie à ses doutes et à ses incertitudes et donc le regard du spectateur est un regard qui est en permanence questionné et j'ai accentué ça en faisant que les acteurs s'adressent beaucoup au public, le regardent beaucoup, le prennent pratiquement à témoin, comme s'ils demandaient tout le temps aux acteurs, aux spectateurs, mais qu'est-ce que vous comprenez à tout ça ? Et puis dans la deuxième partie, le spectateur sait tout. Alors, il sait tout, alors que les acteurs, eux, les personnages, n'ont qu'une part, une part de vérité. Parfois, c'est une vérité complètement tronquée, complètement fausse. Et donc la deuxième partie, il y a comme ça une façon de se vautrer dans le mensonge, dans la fable. Alors le spectateur, lui, peut jouir de ce regard où il connaît, au fond, les tenants et les aboutissants de ce qui se passe sur le plateau et où les personnages, finalement, n'ont pas accès à cette vérité. On a choisi cette archive, François Larocque, parce qu'il y a une entrée dans votre dictionnaire, Stefan Braunschweig. C'est un metteur en scène que vous appréciez, je crois, en particulier, peut-être en particulier justement quand il monte du Shakespeare. Oui, en général, je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant dans ses mises en scène de théâtre, mais aussi d'opéra. Enfin, c'est quelqu'un d'assez complet, qui réfléchit aussi à la question du théâtre. C'est aussi un penseur, Stéphane Braunschweig. Et j'ai vu effectivement plusieurs de ses mises en scène, Le Comte d'Hiver, à la fois Orléans et je ne sais plus, c'était aux Amandiers, je crois, qu'il l'avait repris, et également Mesure pour mesure, qu'il avait monté en anglais à Édimbourg. Ce qui est intéressant dans ce qu'il dit, c'est que il a vraiment un point de vue de metteur en scène qui n'est pas du tout, ou qui est plutôt complémentaire de celui du critique ou de l'universitaire. Mmh. L'idée de prendre le théâtre à partir du regard des acteurs sur les spectateurs, ce déficit de connaissances qu'ont les spectateurs dans la première partie et qui ensuite change complètement. Et ça, c'est une idée voilà, qu'on ne peut avoir que quand on est, je veux dire, au charbon, quand on est face à un public et pas du tout quand on prend le texte. Autrement dit, c'est une idée que vous n'aviez pas eue non. à la lecture non. répétée des pièces de Shakespeare. Non, on ne peut pas l'avoir à la lecture. Nous, on prend, si vous voulez, l'histoire de la pièce, les personnages, les images, la technique, etc. Et puis alors, c'est cette question aussi du passage abrupt de la tragédie à la comédie, puisque là, il s'agit de quelque chose de tout à fait hybride, tout à fait artificiel que cette pièce qui inaugure un nouveau cycle. C'est-à-dire qu'après les tragédies, après Timon d'Athènes, Le Roi Lear, c'est-à-dire des pièces d'un pessimisme total, on arrive à une sorte de recréation. Recréation qui est aussi une récréation, puisque les scènes qui se passent en Bohême, la fête de la tombe des bergers, où on voit la jeune Perdita qui a grandi 16 ans après, redonne une note d'espoir, une note, j'allais dire, de verdure avec Autolycus, dont vous parlerez, je pense, jeudi, le filou, le vendeur de ballades, hein, qui ramène à la fois la bonne humeur et puis l'idée que voilà, les bergers, on les tond aussi comme ils tondent eux-mêmes leurs moutons. Avant d'en venir à cette dernière partie qui est celle de la statue, hein, où l'actrice doit se figer pour jouer le rôle d'une statue qui s'anime. Donc le retour du merveilleux et le rôle de la femme, cette fois comme non plus comme une femme adultère, puisque l'innocence d'Hermione a été prouvée, la jalousie de Léontès, le roi de Sicile, eh bien, est une forme de paranoïa, d'erreur constante sur l'appréciation des choses. La femme est rédemptrice, c'est-à-dire c'est elle qui permet de rétablir, de réunir les familles. Et ça, c'est tout à fait le thème du Conte d'Hiver, de Périclès, de Saint-Belin et de La Tempête. Alors, pour revenir un peu à Stéphane Braunschweig, il y a chez lui, dites-vous, une manière d'éluder l'analyse intellectuelle en faveur d'une lecture limpide où tout est traduit en images et en gestes précis. C'est justement ce que vous aimez, parce que vous, universitaire, c'est peut-être ce qui vous manque, si j'ose parler ainsi. Est-ce que c'est précisément ça, Shakespeare ? Est-ce que ça traduit une compréhension profonde de Shakespeare que cette manière de le mettre en scène ? Là, on a un exemple très concret, la manière dont Shakespeare peut unir, peut rapprocher des points de vue. Alors, bien entendu, beaucoup de gens se dispute, et moi j'ai eu un certain nombre de polémiques à la fois orales et écrites avec Daniel Bougnou, avec les théoriciens du complot. Donc on peut tout à fait s'engueuler autour de Shakespeare, c'est très bien, mais je pense qu'il réunit. Beaucoup d'acteurs disent à quel point pour eux c'est important, cette solidarité du théâtre, c'est le fait d'être ensemble, d'avoir une sympathie, une complicité sur scène. Et je crois que le texte de Shakespeare contribue à cette solidarité, à cette complémentarité. Et effectivement, Braunschweig, je trouve, a une façon très artistique, très fine, très sensible de rendre le texte shakespearien. Par exemple, dans Le Comte d'Hiver, on avait, au moment de la folie, lorsque Léontès bascule dans la paranoïa, dans le délire d'interprétation, la scène se met à s'incliner et les acteurs sont constamment en déséquilibre. Et là, on a effectivement un effet de vertige qui est rendu de manière concrète. Et puis, dans le monologue du temps, puisque vous savez qu'il s'écoule 16 années entre la partie tragique et la partie en Bohème, entre la Sicile et la Bohème, on voyait une violoncelliste jouer un morceau très lent, très beau. Hein, le passage du temps rendu par la musique. La musique qui nous rend sensibles au temps. Et ça, véritablement pour moi, c'était une grande joie. C'est-à-dire que ça apporte, ça éclaire le texte shakespearien de l'intérieur. Qui sont les grands interprètes de Shakespeare? Vous dites qu'il y a deux types d'interprètes. Il y a ceux qui adaptent le rôle à leur personnalité, et puis il y a ceux qui adaptent carrément la personnalité au rôle. Oui, ça c'est la différence entre l'acteur et le comédien. Je crois que c'est Jouvet qui avait fait cette distinction. Oui, il y a les monstres sacrés, Laurence Olivier et d'autres, qui... par une sorte de savoir-faire de quasiment de caméléon qui peuvent se glisser dans la peau du personnage. Et puis d'autres, voilà, je pense à Piccoli, par exemple, dans Le Roi Lear, où Le Roi Lear devenait Piccoli, en quelque sorte, dans la colère. Mais est-ce que c'est le texte qui permet ça, ou est-ce que c'est les acteurs qui, à un moment donné, atteignent un degré de compréhension du texte qui fait que, précisément, ils jouent bien Shakespeare? Oui, il y a le métier. Je pense que les acteurs qui sont de grands professionnels, qui ont derrière eux de très nombreuses années sur scène, peuvent peut-être se permettre ce type, disons, d'appropriation. Puis il y a aussi le rôle du metteur en scène, c'est-à-dire qu'il y a des metteurs en scène qui veulent, bon, je ne vais pas citer de nom, hein, mais qui veulent non pas servir Shakespeare, mais servir leur propre idée de mise en scène. Et à ce moment-là, il faut que l'acteur obéisse. Mmh. Et je pense que un grand metteur en scène de Shakespeare doit laisser l'acteur se mettre le texte en bouche, se l'approprier et peut-être faire évoluer sa mise en scène en fonction de la dialectique qui s'instaure entre le texte et l'acteur, ou l'acteur principal et les acteurs secondaires, qui sont très importants. Mm-hmm. N'oublions pas que même s'il y a des titres, Hamlet, Macbeth, Timon d'Athènes, il y a beaucoup de personnages secondaires, et que les personnages secondaires ne sont pas que des détails. Ils ne sont pas là pour donner la réplique, ou pour mettre en valeur le rôle-titre, mais ils ont eux-mêmes, je pense à la nourrice par exemple, ou à Mercutio dans Roméo et Juliette, ils sont très très importants. Et à quoi servent-ils alors? Et bien justement, à donner la couleur, c'est la palette. C'est-à-dire qu'un peu comme dans les tableaux de la Renaissance, où vous avez des tas de petits personnages, vous voyez les détails chez Bosch, chez Bruegel, qui sont aussi intéressants que le thème principal. Quelle âme noble est renversée ainsi. La langue, l'œil, du chevalier, du clerc, du prince, et l'espoir et la rose d'un règne de justice, le miroir du goût, le parangon de l'élégance, le pôle des regards. Oh, chavirez. Et moi, de toute dame la plus seule, moi, la plus misérable qui buvait le miel et la musique de ses vœux, la Compagnie des auteurs sur France Culture. Nous sommes avec François Larocque pour parler d'Hamlet. Dans votre dictionnaire, François Larocque, James Joyce a le droit à son entrée parce qu'il avait, je crois, il s'était intéressé à la personne d'Hamlet et aussi au personnage d'Hamlet et à la personne d'Hamnet. Que disait-il à ce sujet? C'est-à-dire que Shakespeare est aussi important qu'Homère dans Ulysse de Joyce. Le roman porte le titre du héros grec, mais en réalité, Shakespeare est présent d'un bout à l'autre de ce magnifique et très difficile roman moderniste. Il y a la théorie de Stephen Dedalus, la théorie d'Hamlet. Il commence par exposer sa théorie d'Hamlet, à savoir que... ce qui lui paraît étrange, c'est que le fantôme revienne, le spectre revienne pour expliquer à son fils comment il a été tué. C'est-à-dire qu'on lui a versé, son frère, pendant sa sieste, lui a versé du poison dans l'oreille. Mais s'il est mort sur le coup, comment a-t-il pu voir que c'était son frère, puisqu'il dormait? Mmh. Et, parce qu'il faut chercher la logique, voilà, c'est pas voilà. Sûr. Et donc, il fait un parallèle entre l'auteur qui a accès à une vérité inconnue par une sorte d'intuition transcendante, et le spectre qui a accès donc à cette vérité de sa propre mort. Et la théorie de Joyce est un paradoxe, évidemment. La théorie d'Hamlet de Stephen Dedalus, qui est aussi celle de Joyce, ce qui est exposé très très longuement dans un chapitre entier, Charybde et Scylla d'Ulysse, c'est que finalement, une œuvre n'est pas l'enfant de l'auteur, mais que l'auteur est lui-même enfanté par sa propre œuvre. Voilà, c'est un peu cette idée. Et il montre que Shakespeare était aussi bien le père de son œuvre que le fils de son œuvre. C'est-à-dire qu'on se confond complètement avec ce qu'on écrit. Ce qui est sûr, c'est qu'il a perdu son fils, Shakespeare, à l'âge de 11 ans, et que son père est mort également dans ces années-là, ce qui fait dire à Solers, ah, il y a une entrée Solers aussi dans votre dictionnaire, que Shakespeare est à ce moment-là de sa vie entre son père et son fils mort. Oui, alors ce sont des considérations biographiques, mais je pense qu'on y revient, c'est-à-dire que la théorie de la mort de l'auteur, de Foucault, de Barthes, a vécu. Il semble que même si on sait assez peu de choses finalement sur Shakespeare, enfin on a assez peu de documents, le nombre de biographies montre que aussi on a vraiment fouillé tout ce qui était possible de fouiller. On trouvera peut-être encore des choses, ça n'est pas impossible, mais que effectivement ce nom de d'Hamlet que Shakespeare n'invente pas, hein, qui est dans Saxo Grammaticus, mais qui s'écrit A-M-L-E-T-H, qui est une vieille chronique danoise qu'il reprend, qu'il réécrit. Mais tout est reprise. Tout est reprise. Chez Shakespeare, rien n'est nouveau, si je puis dire. C'est-à-dire, ouais. Shakespeare ne s'inspire pas de sa biographie. Shakespeare in Love, le film magnifique, très beau, oscarisé, donne de ce point de vue-là une sorte de pastiche, disons, de cette idée romantique selon laquelle on ne peut pas ne pas être influencé par sa propre vie pour écrire. Il faut avoir vécu des choses pour écrire. Pour Shakespeare, pas du tout. Shakespeare, c'est quelqu'un qui prend à droite et à gauche dans des chroniques, dans des nouvelles italiennes, chez Montaigne, chez d'autres. Il fait son miel un petit peu partout. C'est pour ça qu'on l'avait appelé, ou que Green l'avait appelé, le corbeau parvenu. Parce que déjà, il avait accusé de pastiche, de piquer à droite et à gauche tout ce qu'il pouvait pour fabriquer ses pièces. Oui, bien sûr, sur le plan personnel, on ne peut pas ne pas imaginer. Et ça, Stephen Greenblatt, dans Will le Magnifique, Will in the World en anglais, le montre très très bien. La mort d'un père, la mort d'un fils, effectivement, c'est véritablement une grande partie d'Hamlet. Mais alors, en creux, on entend que l'université change un peu de regard sur Shakespeare. Quel serait, puisque visiblement on sait déjà à peu près ce qu'il y a à savoir, même si on espère qu'il y aura de nouvelles choses à découvrir, qu'est-ce qui serait en ce moment au cœur de l'attention des universitaires? Sur quoi on cherche? Alors, il y a, si vous voulez, c'est pas passionnant à dire à la radio, mais énormément de choses qui portent sur le texte lui-même de Shakespeare. La dernière édition Oxford des œuvres complètes de Gary Taylor et al., hein, c'est toute une équipe, montre de plus en plus que Shakespeare a été un collaborateur. C'est-à-dire qu'il a beaucoup écrit lui-même, mais il a également écrit un grand nombre de ses pièces en collaboration. Alors, selon Gary Taylor, Henri VI aurait été écrit en partie avec l'aide de Marlowe, d'autres disent avec Peele ou Nash. On sait que Middleton, qui était un grand tragédien, un très très grand dramaturge un peu postérieur à Shakespeare, est intervenu dans Macbeth, est intervenu dans Mesure pour Mesure, dans Timon d'Athènes. Voilà, c'est cette idée qu'il y a une sorte de déconstruction du texte, que Shakespeare n'est pas l'auteur génial, solitaire, ouais, qui sort de son cerveau comme ça des pièces toutes faites, mais que la collaboration est une sorte de fait établi. Et qui fait penser là au système des studios d'Hollywood. Les séries. Thomas Joly l'a très bien compris, lorsqu'il a monté Les Trois Henri VI, il en a fait des séries, c'est-à-dire un spectacle qui durait plus de 15 heures. Il a inventé la série. Et exactement ce que vous dites, c'est le système du studio. Il s'y mettait à plusieurs parce qu'ils étaient pressés par le temps, qu'il y en avait qui étaient spécialistes de telle ou telle scène de comédie, l'autre peut-être de scènes plus historiques. On le voit d'ailleurs dans une pièce qui s'appelle Sir Thomas More, La vie de Thomas More, dont Shakespeare a écrit deux scènes simplement, deux scènes holographes parce que la pièce portait sur des questions politiques. Hein, Thomas More, exécuté par Henri VIII dans les conditions qu'on sait, c'était un sujet brûlant et elle est restée en manuscrit. Et on pense que les deux scènes sont de la main de Shakespeare. Ça n'a pas été absolument prouvé, mais des graphologues se sont penchés sur la question et il semble bien que ce soit proche en tout cas de l'écriture de Shakespeare. Il a écrit deux scènes et ils sont cinq ou six auteurs. Alors à Hollywood, ou dans les séries télévisées, il y a des effets spéciaux. Il y en a un petit peu aussi dans les pièces de Shakespeare, y compris du temps de Shakespeare. On s'en rend compte à l'entrée pièce écossaise de votre dictionnaire, puisque la première représentation de Macbeth en 1606 a vu un acteur perdre la vie, puisqu'en fait il s'est fait poignarder, non pas par un poignard de théâtre, mais par un vrai poignard, et ce meurtre meurtre tragique donne le coup d'envoi à une espèce de malédiction autour de la pièce Macbeth, qui continue d'ailleurs visiblement de nos jours. Oui, oui, les acteurs anglais ne disent jamais Macbeth, ils disent toujours la pièce écossaise. Mm-hmm. Le fait de prononcer Macbeth, pour eux, c'est une sorte de malédiction, c'est attirer la foudre. Et de fait, il y a dans l'histoire de la représentation de la pièce de nombreux accidents, de nombreux incidents. Je crois que c'est Peter O'Toole qui avait monté un Macbeth absolument désastreux que la critique a démoli. Et lors d'une représentation, il était assis sur le trône et le gros lustre qui était juste au-dessus s'est écrasé à quelques centimètres du trône. Donc il aurait pu perdre la vie à cette occasion. Mmh. Et c'est une superstition, c'est en même temps une tradition des acteurs, mais surtout en Grande-Bretagne et aux États-Unis. En France, un peu aussi, ben, à Avignon, parce que je crois que Jean Villard avait une fièvre de tous les diables quand il a joué Macbeth à Avignon, c'était exact, en 54. Exact. Il se souvenait même plus de son texte. Et il y a eu aussi un Macbeth avec des costumes de Thierry Mugler qui étaient des robes absolument extravagantes. Et ce soir-là, il y avait un Mistral, ce qui fait que les acteurs étaient vraiment très gênés dans leur mouvement sur scène. Merci beaucoup François Larocque d'être venu nous raconter un petit peu toutes ces choses qu'on peut retrouver dans votre dictionnaire amoureux de Shakespeare chez Plon. Je signale également aux éditions Thierry Marchès l'ouvrage que vous avez dirigé avec Dominique Goy-Blanquet qui s'intitule « Shakespeare, combien de prétendants ?» et qui revient sur la polémique concernant la paternité de ses œuvres dont nous parlerons jeudi avec Daniel Bougnou. Mais avant cela, demain, nous aurons le plaisir de parler du théâtre dans le théâtre chez Shakespeare. Ce sera avec le critique et universitaire Georges Banu. Mais tout de suite, sur France Culture, vous retrouvez la poésie lue et interprétée en même temps que choisie par Jacques Bonafé. Bonjour, bonjour à tous, bonjour la compagnie. La tristesse n'est pas comique, elle est cosmique. La tristesse cosmique de Jean Portante est parue aux éditions Phi. Les poèmes de Jean Portante sont adressés au lointain. Au lointain, dans soi-même, une enfance composée d'images italiennes. Les cris joyeux des enfants là-bas, dans le bassin de la piscine, sont les cordes, me racontait ma mère, auxquelles sont attachées les étoiles. Pétales de fleurs plus jaunes, et c'est moi qui ajoute, que les tournesols de Van Gogh. Parfois, les poèmes, comme cette dernière phrase, sont frappés d'une écriture en capitale. Tu ne recolleras les morceaux du début. De la réinvention de l'oubli et le titre du recueil paru au Castor Astral. Ma mère me dit, où ai-je mis la lune? Et elle pose la lune dans l'évier. Puis elle me dit, la lune me glisse du cerveau et elle roule je ne sais où à l'intérieur. Puis elle se tait si définitivement que je me dis qu'elle a tout dit et que le silence ultime existe. Puis la lune dans l'évier se rappelle à mon souvenir si définitivement que je me dis qu'elle aussi a tout dit et que le silence ultime existe. Ah, les poètes, tout le monde est parti. Il va falloir vider la maison, n'est-ce pas? Je côtoie la mort avant de descendre. Quand le soleil est bas, mieux vaut envoyer ses éclaireurs. Parfois, ils prennent l'aspect d'étoiles déguisées en lucioles au printemps. Et en hiver, demandait mon fils, les lucioles se glissent dans les flocons de neige, n'est-ce pas, papa? Ah, les poètes! Depuis, nous attendons dès Noël les lueurs, mais les étoffes se posent le ventre vide dans notre patience et mangent, devant la porte, je montre patte blanche. Il va falloir vider la maison, n'est-ce pas? Dans la tristesse cosmique, il y a ce journal intime d'un semeur d'étoiles, juillet 2016. Qui secoue le ciel ne fait pas tomber les olives cosmiques, ni le porteur de torches, ni qui éteint les astres parce que des fruits plus secrets que les mots ont glissé leurs poumons dans les plis inconsolables du temps. Est-ce l'espace qui est en cause ou le souffle qui n'arrive plus? Est-ce l'olivier qui est triste ou le jardinier qui ne l'arrose pas? Le semeur céleste a plus d'une étoile dans son alphabet. Quand il asperge, il parle, et les mots plus secrets que les fruits glissent leur haleine dans la pluie, bavardent les gouttes qui tombent comme si un mangeur de silence les comptait. tiré du poème voisin « Je soupe à la belle étoile ce soir, assoiffé comme l'os lointain du commencement, et je recommence. » Merci Jacques Bonafé. Vous lisez cette semaine des textes de Jean Portante.